Je vais passer la parole alors à Caroline Doki. Nous plongeons progressivement dans le passé. Donc Caroline, tu n'as pas changé ton titre? Ben non, c'est bien. Donc, où passent les droits des migrants en mer? Enjeux et limites d'une tentative italienne de protection juridique des migrants transatlantiques au début du XXe siècle, mais tu commences un peu voilà, donc Caroline Doki, Université Paris. Je te laisse la parole. Oui. Alors, est-ce qu'on va pouvoir installer le micro? Ah, pour le micro, peut-être. Merci de te faire montrer. Ouais. Conduit. Je vais passer là-bas. Ah, je vais me mettre là. Je me mets là. Ça, c'est pas le défi. Je crois qu'il y a un propos. Ah, il faut pas toucher la musique. Ouais, oui, le PowerPoint est là juste pour quelques illustrations, il n'y a pas de temps et on ne va pas s'en servir tout de suite. Alors, moi je vais parler d'un espace-temps, où il n'est pas question particulièrement de Méditerranée, mais que j'avais retenu parce que c'est un espace-temps où la protection et les droits ne sont pas en principe baignés aux migrants. Bien au contraire, en fait, au début du XXe siècle, c'est-à-dire jusqu'aux années 1920, pour les migrants européens, et plus particulièrement les Italiens, qui traversent l'Atlantique pour aller travailler temporairement ou définitivement en Amérique, la conjoncture politique, juridique et aussi la conjoncture médiatique de l'époque est à la démultiplication des discours et des procédures d'organisation de la protection et aussi de la définition des droits pour les migrants. Mais l'accès aux droits, même octroyés, pose à l'époque, comme aujourd'hui, toujours problème en termes de compétences sociales, de possibilités matérielles et financières d'user de ses droits et de possibilités tout simplement d'accéder aux dispositifs publics, administratifs ou juridiques qui sont prévus pour les garantir. Et donc c'est sur ces décalages, sur les limites prévisibles ou imprévues des droits octroyés à ces migrants italiens qui vont en Amérique, sur leur appropriation possible mais aussi incertaine pour ces migrants que je vais centrer ma présentation. Alors je précise rapidement les risques auxquels sont le plus exposés les migrants traversant cet espace maritime au début du XXe siècle, puisque c'est autour de ces risques que se développent des normes protectrices et des dispositifs juridiques. Ce sont des risques qui sont liés à la traversée d'un espace dangereux, l'espace maritime, sur un instrument instable, le navire, auxquels s'ajoutent des risques liés à la traversée des frontières interétatiques, puisqu'en traversant l'océan, on traverse des frontières interétatiques. Alors, la question du naufrage est un risque qui n'est pas à exclure à cette époque. Comme nous le rappelle par exemple le naufrage très médiatisé du Titanic, où il y avait des centaines de migrants en troisième classe. C'était un navire britannique, mais il y avait aussi quelques dizaines d'Italiens. Cette question du naufrage, donc, à l'époque, elle est abordée par l'obligation d'être codifiée par les codes maritimes, qui ont valeur internationale et nationale. Ces codes maritimes, vous savez, ils sont anciens, et ils se sont beaucoup densifiés. C'est un travail en cours. Je préfère vous envoyer mon papier écrit. Ils se sont beaucoup densifiés au cours du 19e siècle. Bon, il y a les usages de la mer aussi. Et ce risque du naufrage n'est pas le risque statistique majeur, en fait, au début du XXe siècle, d'autant moins que les progrès technologiques rapides depuis les années 1870 avec la marine à vapeur, la construction navale en acier, permettent désormais de construire des gigantesques paquebots qui gagnent en taille, en vitesse, en stabilité, en sécurité technique, en confort. Et donc les migrants bénéficient de tout cela, puisqu'ils voyagent sur ces grands paquebots, ces grands géants des mers très luxueux, simplement, eux sont en troisième classe. En revanche, à l'époque, importance du risque sanitaire et médical, les maladies contagieuses, la mort à bord, les accidents à bord, les pertes de capacité du travail à bord, donc sont accrues en fait à l'âge du gigantisme, puisque en troisième classe, voici pourquoi j'ai mis des chiffres, il y a plusieurs centaines de personnes entassées dans les troisièmes classes pendant 2, 3 à 4 semaines dans des milieux qui sont confinés. Ça, les chiffres que j'ai indiqués concernent les années 1910 et dans les années 1920, les chiffres sont multipliés presque par deux. Autre risque important sont les risques socio-économiques. Le risque d'être escroqué de la part par des agents d'émigration ou par des compagnies d'émigration qui vendent des billets de transport donc, et qui escroquent en surfacturant, en vendant des services de transport incomplets qui nécessitent ensuite pour les migrants de débourser de coûteux suppléments, qui vendent des services inutiles, le risque aussi de non-respect des itinéraires et des délais de transport qui peuvent laisser les migrants dans l'embarras, dans la misère, dans les dangers pendant de nombreux jours dans les ports des pays de départ, dans les ports de transit ou même dans les ports à l'arrivée. Et puis le risque le plus grave et bientôt le plus fréquent statistiquement et très coûteux, et qui est là lié au statut de migrant, mais aussi au statut de l'étranger, c'est le risque d'être refoulé au débarquement dans les ports américains, puisque les États-Unis d'abord, à partir des années 1880, et puis ensuite le Canada et tous les États d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud, progressivement, par effet de transfert, par effet de limitation, par effet systémique, donc, développe des législations de tri et de filtrage des migrants selon des critères sanitaires, médicaux, eugéniques, politiques, moraux et ethnicisés. Donc c'est des critères de tri et de filtrage des migrants qui sont de plus en plus importants jusque dans les années 20 et puis à partir des années 1920, à ces tri et ces filtrages s'effectue aussi, et notamment aux États-Unis, la volonté de bloquer, de réduire numériquement le nombre de personnes qui entrent aux États-Unis. Donc de ce rappel, il apparaît que l'espace transatlantique, au tournant des 19e et 20e siècles, au moment même où cet espace est marqué par l'apogée de la migration de masse européenne vers l'Amérique, donc cette immigration concerne de plus en plus de migrants qui quittent l'Europe méridionale, centrale, orientale, balkanique, méditerranéenne, donc au même moment, cet espace transatlantique est marqué par une densification de normes de nature très diverse qui va réglementer le transbordement des migrants à travers l'océan. Et cette multiplication des normes, en fait, elle pose la question du statut de ces populations qui changent de statut sans cesse au fur et à mesure qu'ils transitent dans l'espace et qu'ils traversent les frontières. Et l'application de ces normes est d'autant plus problématique que ce qu'on voit, c'est que ces espaces de transit, donc transiter à travers la mer, l'espace clos du navire, une fois qu'il a levé l'ancre et qu'il est dans les eaux internationales, en fait, ne sont pas du tout des lieux de non-droit. Bien au contraire, en fait, ces points de circulation, de séjour temporaire, de filtrage, sont structurés par une multitude de régulations qui s'entrechoquent et que l'on cherche à articuler. Les régulations étatiques des pays récepteurs, des pays émetteurs de migrants, le droit maritime international qui est alors en pleine densification, le droit international du commerce, des formes d'autorégulation par les pratiques financières et commerciales des grandes compagnies de navigation transatlantique, qui ont des capacités d'action d'autant plus fortes que les grandes compagnies transatlantiques en fait, sont dans un processus de cartélisation internationale très poussée. Donc certaines grandes compagnies de navigation transatlantique sont plus puissantes que des États, notamment des États comme l'Italie. Donc le moment de la traversée transatlantique, ce n'est pas un espace-temps sans droit, au contraire. Il y a de multiples normes qui sont en train de transformer ces espaces de transit pour travailleurs qui traversent les frontières une sorte de patchwork et de constellation de droits qui s'exercent sur eux, très souvent en se contredisant. Alors s'agissant des catégories de l'action publique ou de catégories de la gestion privée, qui sont mobilisées par les protagonistes de l'époque, donc on voit qu'elles sont assez diverses. Soit les migrants sont gouvernés, catégorisés en tant que migrants, et la notion des migrants, par exemple, devient une catégorie de l'action législative et de l'action juridique, de l'Italie à partir du début du XXe siècle, j'y reviendrai tout à l'heure. Soit ils sont gouvernés, catégorisés en tant qu'étrangers, puisqu'ils passent des frontières, soit aussi ils sont gouvernés, catégorisés en tant que passagers, c'est-à-dire acheteurs et détenteurs d'un contrat commercial, le billet de transport à travers l'océan. Donc ça, ces trois catégories sont des catégories qui sont alors en construction ou en évolution pour ce qui est de l'étranger, qui n'est pas défini, j'y reviens pas, de la même manière au début du XXe siècle qu'au XVIIe ou au XVIIIe siècle. Et ces catégories qui évoluent sont en train de construire une nébuleuse de statuts et d'usages autour d'une signification qui peut aller de l'extranéité la plus forte, catégorie d'étrangers, à l'intégration sociale et économique, la plus forte aussi, hein, l'acheteur d'un titre de transport dont l'enjeu, notamment pour l'Italie, est d'imposer qu'il soit traité comme un client et même si le terme n'est pas encore là, comme un consommateur. Et puis aussi, les migrants est défini par sa vulnérabilité. C'est une manière à la fois de souligner sa position marge sociale, mais aussi quand il fait l'objet de d'une catégorisation protectrice. C'est une manière de tenter de l'insérer dans les processus d'intégration sociale. Alors je voudrais maintenant insister sur trois points. D'abord, premier point, protéger les personnes en mer ne revient pas forcément à leur attribuer des droits. Donc il faut quand même distinguer ces deux catégories. Et je voudrais le dire en m'arrêtant sur quatre points. Premier point, en rappelant les logiques diversifiées du mouvement de sécurisation des personnes et des corps pendant le voyage à travers l'océan. Donc mouvement qui se développe dans l'Atlantique Nord à partir des années 1860, qui s'accélère au début du XXe siècle. Mouvement donc pour que le voyage en troisième classe ne soit plus synonyme de mort ou de maladie grave à cause de quelque chose qui serait arrivé à bord. C'est l'effet de trois dynamiques qui sont simultanées et qui ont des motivations particulièrement diversifiées, voire parfois contraires. Donc je me dépêche. Non, non. Alors il y a les pressions des associations philanthropiques américaines. Des associations de protection des migrants dans les pays de départ ou dans les pays de transit des migrants, donc qui tentent de faire modifier les législations nationales pour qu'il y ait une sécurité physique et une dignité des migrants qui soient respectées à bord. Il y a deuxièmement, l'amélioration, elle est aussi l'effet des stratégies commerciales des compagnies maritimes. Pour attirer la clientèle libre des migrants européens, pour faire de bonnes affaires, il faut la transporter dans une sécurité minimale. Parce que rapidement, à la fin du XIXe siècle, la concurrence entre les plus grandes compagnies transatlantiques, surtout celles qui opèrent dans l'Atlantique Nord, donc les compagnies britanniques, allemandes, françaises, belges, puis italiennes, elles ne reposent plus du tout sur la guerre des prix. Au contraire, hein, il y a des ententes et des cartélisations, mais en fait leur concurrence repose sur l'offre de sécurité, l'offre de service, offre de sécurité, de rapidité, et leur argument c'est souvent l'amélioration des conditions de vie pendant le voyage à bord de la troisième classe. D'ailleurs, ils créent une autre catégorie qui est la troisième classe améliorée, où se dirige la clientèle de migrants un peu plus solvables, notamment ceux qui font les allers-retours et qui ont accumulé de l'épargne. Et puis la sécurisation des personnes à bord, c'est enfin l'effet des législations sanitaires des pays d'immigration ou d'émigration ou de transit. Les sociétés d'Amérique du Nord, depuis le milieu du XIXe siècle et de plus en plus, ont la hantise de voir débarquer dans leurs ports et dans leurs villes des migrants malades, épuisés, incapables de travailler, qui deviendraient facteurs de contagion dans les espaces où ils passeront. Donc elles imposent aux compagnies qui veulent débarquer des migrants dans leur port des standards de plus en plus élevés de sécurité sanitaire en troisième classe, donc des normes pour la présence d'infirmerie à bord, la présence de lieux de toilette à bord, un nombre de mètres carrés d'air minimal par personne, une superficie minimale pour les dortoirs, des normes pour le service obligatoire de repas et d'eau régulièrement dans la journée, des normes pour imposer l'isolement des malades à bord pour qu'il n'y ait pas de contagion, etc. Et respecter toutes ces normes est la condition sine qua non pour que les compagnies maritimes aient le droit de débarquer des migrants donc à New York, à la Nouvelle-Orléans, puis dans les ports d'Argentine, etc. Et s'y ajoutent pour ces compagnies des pressions financières qu'ils incitent à améliorer vraiment les conditions de transport. Il y a la traditionnelle quarantaine qui est imposée dans les ports de débarquement aux navires dont on craint qu'ils ne transportent des migrants ayant contracté des maladies contagieuses pendant la traversée. Ces quarantaines sont très coûteuses, donc les compagnies ont intérêt à garder les gens en bonne santé. Et puis, il y a aussi les contraintes financières d'un autre ordre, c'est-à-dire que quand les compagnies qui respectent toutes ces normes, malgré tout, débarquent un ou deux ou trois ou vingt passagers lors d'un, qui sont tombés malades et qui sont du coup refoulés par les autorités américaines, elles doivent payer les contraventions au gouvernement des États-Unis, du Canada, au gouvernement argentin. Donc, pression financière qui fait que les compagnies améliorent cela. Et alors, à ce point, donc, je dois évoquer la logique de certains pays émetteurs de migrants, comme l'Italie au début du XIXe siècle, qui organisent aussi, par des normes administratives et juridiques, la protection sanitaire et sociale en mer de leurs ressortissants, qui sont en train de s'expatrier, mais qui restent tout de même, au moins pour un temps, leurs ressortissants. Et parfois, qui restent toujours leurs ressortissants pour ceux qui pratiquent une migration temporaire. Et jusqu'aux années 20, c'est une pratique qui est très très répandue entre l'Italie et l'Amérique du Nord ou l'Amérique latine par les migrants. Et donc, pour ces raisons, l'Italie va imposer le même type de standards de sécurité de confort minimal aux compagnies qui veulent embarquer des migrants dans les ports italiens. Donc ça se fait par une construction législative qui est sans cesse remise, qui est sans cesse renvoyée, enfin qui est sans cesse complétée entre 1901 et les années 1920, où l'Italie donc impose un cadre normatif, législatif, réglementaire à toutes les compagnies maritimes privées, elles restent privées. Italiennes ou étrangères, donc, qui veulent participer à ce qui est un énorme marché de clientèle de plus en plus nombreux, c'est un marché exponentiel, une clientèle de plus en plus nombreuse et de plus en plus solvable. Donc, toutes ces compagnies, hein, donc italiennes, britanniques, allemandes, françaises, autrichiennes, à un moment donné espagnoles, donc, se pressent pour être accréditées pour travailler sur ce marché-là, et l'accréditation, elle se fait en échange d'un cahier des charges qui est assez drastique. Alors, ce cahier des charges donc, réorganise toute la chaîne managériale de l'activité de transport maritime transatlantique sous la responsabilité juridique des compagnies maritimes. L'idée, c'est de faire disparaître les abus de la médiation des agents d'émigration qui étaient présents dans les campagnes italiennes, et donc de faire disparaître les surcoûts, les escroqueries, la vente de services inutiles, puisque tous les vendeurs, en fait, sont considérés comme juridiquement dépendants des compagnies de navigation. Donc en cas d'escroquerie par leurs vendeurs ou par leurs agents d'immigration, c'est les compagnies de navigation qui se retrouvent en face de l'administration de la loi italienne. Le gouvernement italien impose aussi à ses compagnies privées de travailler dans des prix encadrés, des prix encadrés à l'aller et au retour. Le cahier des charges impose donc des standards de sécurité qui sont identiques à ceux que j'ai déjà décrits. Et autre élément obligatoire du cahier des charges, et pas les moindres, c'est que toutes ces compagnies italiennes ou étrangères privées doivent accepter à bord rien moins qu'un fonctionnaire italien, commissaire des migrations, qui est un médecin, qui a une formation d'inspection administrative, il est chargé de s'occuper des migrants à bord, il parle la même langue qu'eux, il est chargé de veiller à leur santé, il est chargé de veiller à ce que ces migrants ne soient pas maltraités par l'équipage, à ce qu'ils ne se battent pas ou ne se volent pas entre eux. Alors mon interprétation, c'est que les pouvoirs publics italiens ont essayé de construire le transport transatlantique en troisième classe comme une forme de service public de migration, où les usagers se trouvent dans des conditions qui respectent leur liberté, c'est-à-dire ne les asservissent pas économiquement, et dans des conditions qui respectent leur sécurité, leur dignité. Ce sont des travailleurs et non pas des clients. Ce sont des travailleurs et éventuellement des clients, et ce ne sont pas des miséreux qu'on peut entasser ou violemment malmener, comme les capitaines de navires entassaient les passagers sans sécurité ou malmenaient les équipages jusqu'au milieu du XIXe siècle. Donc là, on est en face, d'une construction par la norme étatique, on est en face de la réglementation d'une activité commerciale de transport pour protéger la sécurité des migrants. Et donc le migrant, il est protégé par quelque chose qui est tout simplement un contrat commercial. Un contrat de transport bien cadré par des normes législatives et réglementaires. Bref, 3 minutes, c'est atroce. Il n'y a pas de raison, il va falloir que je trouve une solution. Alors, pour les migrants italiens qui transitent par ces voies-là, c'est-à-dire qui s'embarquent en Italie et quand ils reviennent, qui débarquent dans les ports italiens, ça construit quelque chose qui relève d'une protection de leur personne, de leurs intérêts économiques. En revanche, rien du tout pour ceux qui auraient la bonne idée d'aller s'embarquer dans un port espagnol, dans un port de s'embarquer à Trieste par exemple, ou de s'embarquer dans les ports français ou belges ou allemands. Et s'embarquer dans un port français, c'est beaucoup plus logique pour les migrants par exemple d'Italie du Nord. Donc ceux-là, en fait, pas seuls, le périmètre d'application, enfin le périmètre de souveraineté de la loi italienne ne s'applique qu'à l'espace italien. Pour cela, il n'y a pas de protection. Je fais très très vite, après je vous donnerai les détails si vous voulez dans le débat, puis il y aura le papier qui sera plus développé. Donc pour garantir en fait ces droits des migrants, ce qu'on voit c'est que ce qui est considéré comme fondamental, c'est le problème du rapport économique avec les compagnies maritimes. Donc ce qu'a essayé de faire l'Italie, c'est de protéger les migrants contre les abus de faiblesse, ou les abus de confiance dont ils seraient victimes par des pouvoirs qui sont particulièrement puissants et qui sont même plus puissants que l'État italien lui-même. Donc a été mis en œuvre à partir de 1901 par la législation italienne, donc une série de juridictions qui ressemblent à des juridictions consulaires. Je pense que le modèle c'est la juridiction consulaire. Ça ressemble aussi à des juridictions à des justices de prud'homme aussi. Donc dans chaque port italien, il y a quatre grands ports italiens où sont censés s'embarquer les migrants, donc c'est Gênes, Naples, Palerme, Messine. Il y a ces juridictions que les migrants peuvent saisir s'ils ont des conflits avec les compagnies maritimes italiennes, donc pour se faire rembourser ou le prix du voyage, ou pour se faire rembourser un préjudice, s'il y a eu un préjudice corporel, s'ils ont été malades, accidentés, etc. Et aussi, ils peuvent saisir ces juridictions s'ils ont été refoulés à l'entrée des ports américains. Donc là, ce qu'on voit, c'est une forme de protection assez intéressante concernant les migrants italiens, c'est que l'État italien a l'idée que les compagnies maritimes devront prendre en charge le coût d'un refoulement à l'entrée d'Amérique. Même si la base juridique, c'est que les compagnies maritimes n'ont pas à transporter des gens qui, ouvertement, explicitement, entrent dans les catégories de gens qui sont refoulables en Amérique, puisque ces catégories sont dans les lois américaines et que donc les compagnies maritimes sont censées les connaître. Ce que je vois, c'est que donc, les migrants saisissent ces juridictions, mais quand ils ne les saisissent pas, sont les employés de l'administration italienne de l'immigration qui les poussent à saisir ces juridictions. Et en fait, ce qu'il y a derrière, c'est une politique italienne qui vise à socialiser le risque et les pertes financières, c'est-à-dire à faire reposer sur les compagnies maritimes une partie du coût économique de ces refoulements et pour ne pas les faire reposer sur les migrants, les familles de migrants. Voilà, et dernier point, je vais m'arrêter là. Quand je regarde donc tous les actes produits par ces juridictions, je vois que les migrants donc, les saisissent, qui sont conscients d'avoir cette ressource en main, mais qui ne pourraient pas saisir ces juridictions s'ils n'avaient derrière eux une administration italienne de migration qui les pousse, ou bien s'ils n'avaient derrière eux des associations d'aide juridique, d'aide légale. Et ces associations, alors très souvent, sont de matrice et d'inspiration philanthropique, privée, grande importance des associations catholiques, de l'Église catholique italienne, de matrice syndicale. Les syndicats socialistes, les syndicats de gauche ont des associations d'aide légale aux migrants. Aussi, ces associations, pour une grande partie d'entre elles, en fait, sont financées par l'État italien, donc qui donne ce type de, qui construit ce type d'encadrement et d'aide mixte privée-publique, donc pour aider les migrants à se saisir de ses droits. Mais je jure que c'est le dernier point, ce que je vois aussi, c'est que ces juridictions, en fait, sont très largement détournées de leur but par les compagnies maritimes. Les compagnies maritimes, donc lorsqu'elles sont attaquées par les migrants, poussées par une association ou par l'administration italienne, peuvent mobiliser en face deux atouts absolument énormes. D'abord, c'est qu'elles disposent de moyens financiers et de l'armada d'avocats pour y répondre. Elles disposent aussi de beaucoup de temps, contrairement aux migrants qui attendent impatiemment leur remboursement. C'est fondamental pour continuer à migrer. Et donc, ce que je vois, c'est que les compagnies maritimes investissent énormément d'argent, énormément de temps pour instruire les dossiers, refusent systématiquement les conciliations immédiates, les jugements en première instance, vont tout le temps en appel. Donc, ça, c'est un premier élément. Ce que je vois aussi, c'est que les compagnies maritimes, en fait, se servent de ces juridictions pour refuser de rembourser les migrants, mais en fait, ils s'en servent surtout pour produire du contentieux de principe, ce contentieux de principe étant destiné en fait à contester la prérogative que s'octroie l'État italien de réglementer un secteur clé de l'économie. Et donc, en fait, ces juridictions se transforment très rapidement, à partir des années 1910 et au début des années 1920, en fait, sont un lieu de lutte, de contentieux, de principe, de production du droit, entre l'État italien d'une part, les grandes compagnies maritimes italiennes ou étrangères d'autre part, autour d'une question clé qui est la question du droit ou pas, enfin de la prérogative ou pas, de la capacité ou pas d'un État de réglementer une activité économique qui est cruciale pour l'économie nationale italienne et ses ambitions de maîtrise des mers. Alors là, ça se passe du côté transatlantique, mais en fait, l'enjeu est bien sûr la maîtrise des mers en Méditerranée.